John Bell ne se montre pas moins dur envers sa femme, la fragile Kitty, dont il vérifie âprement les comptes. Elle doit avouer qu'il manque certaines sommes, mais refuse de s'expliquer avant le lendemain. Le jeune Chatterton vient alors confier au vieux Quaker son intention de se tuer, car il est persécuté, malheureux et pauvre. De plus, il souffre de voir Kitty Bell rudoyée par son mari. Chatterton a ensuite la désagréable surprise de voir arriver, en présence de Kitty et John Bell, Lord Talbot, son condisciple à Oxford. Accompagné de jeunes seigneurs, Lord Talbot traite Chatterton en ami, le complimente sur les succès de sa poésie et semble vouloir faire à Kitty Bell une cour déplacée. Après leur départ, Chatterton, qui éprouve pour Kitty Bell une secrète tendresse, la voit, en présence du Quaker, méfiante à son égard, et s'irrite de cette attitude. Il regagne sa chambre dans une exaltation qui touche à la folie, laissant consterner le Quaker et Kitty Bell.